Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music. Salut à tous et nous voilà de retour aux côtés de Laurent Garnier pour le chapitre 5 du livre Electrochoc. C'est Total Confusion, autrement dit, ça sent le roussi dans les rêves anglaises. Et c'est alors en Allemagne que la techno va trouver son salut. On voit tout de suite comment, en suivant Laurent, en ce début d'année 90. Tous les mois, c'était la même histoire. Le vendredi matin, à l'aube, à l'heure où les Parisiens se pressaient dans le métro ou patientaient aux arrêts de bus, je sortais du boy chargé de mes sacs de disques, les fringues imprégnées de l'horrible odeur du tabac froid. Je jetais mes sacs dans le coffre de ma rave mobile, troquais mon t-shirt puant contre un propre, m'installais au volant et démarrais. Quelques minutes filaient, rythmées par le grondement du moteur. Je restais là, les oreilles grésillant encore des kilos de son avalés derrière les enceintes. Bientôt 24 heures que je n'avais pas dormi. Et de l'autre côté de la Manche, d'autres nuits de feu se profilaient. Manchester allait encore muter. En Angleterre, dans la plupart des villes, les banlieues sont plus étendues que les centres-villes. Les différents quartiers sont tenus par les gangs. Une affaire de territoire et non de race ou de religion. À Manchester, jusqu'à la fin des années 80, la violence découlant des rivalités entre gangs restait cantonnée aux banlieues de Mossside, Salford et Hulme, épargnant les habitants de ces quartiers. Mais à l'été 1989, l'irrésistible percée de l'acid house dans la nuit anglaise rendit le marché de l'ecstasy colossal. Les gangs s'investirent dans le trafic de drogue, cherchant à en contrôler la vente et la consommation jusqu'aux abords des clubs. Le centre-ville, jusqu'ici épargné, devint le nouveau territoire de conquête de tous les gangs de banlieue. De par sa popularité et son rôle stratégique dans la nuit mancunienne, la Hacienda se retrouva au beau milieu de la tempête. Impuissante, elle vit peu à peu sa clientèle endurer intimidation, racket et violence. Puis les gérants du club subirent à leur tour les menaces des gangs. Les environs de Whitworth Street West devinrent dangereux. En quelques mois, une atmosphère de guérilla urbaine s'empara de Manchester. Chaque week-end, l'ambiance se tendait un peu plus. Voitures en flammes, règlements de compte sur les trottoirs et coups de feu sur les hommes de la sécurité s'ils osaient refuser l'entrée du club à un membre de gang. Démunis face à cette escalade de violence, la police de Manchester exigea de l'Hacienda qu'il refoule les dealers et consommateurs d'ecstasy. Un coup d'épée dans l'eau. Rien ne semblait plus pouvoir stopper l'explosion de la rave culture. À cette époque, la consommation d'ecstasy dans les clubs frôlait les 90%. Constatant que ces mises à l'écart ne résolvaient rien, les policiers déposèrent aux autorités du district un rapport stipulant que la drogue était ouvertement vendue à l'Hacienda et que la seule solution pour enrayer le problème était de fermer le club. Les responsables de l'Hacienda répliquèrent qu'ils étaient victimes des violences inhérentes au marché de la drogue, qu'une fermeture ne changerait rien à cette réalité et qu'ils avaient besoin d'une aide plutôt que d'une sanction. Ils obtinrent le soutien du Manchester City Council, s'adjoignirent les services de George Carman, un avocat parmi les plus brillants d'Angleterre, et gagnèrent leur procès. Afin d'afficher leur détermination à lutter contre la drogue, ils placardèrent des posters stipulant « Drugs are not allowed in the club », adoptèrent une politique plus sévère à la porte, exigeant notamment que chaque client soit muni d'une carte d'étudiant pour les soirées du jeudi et tentant, en vain, de refouler les membres de gang. Autant de gestes de bonne volonté qui laissèrent la police, refroidie depuis sa défaite en justice, indifférente au sort de l'Hacienda. Les dés étaient jetés. Dans les rues, la situation s'était encore un peu plus durcie. Elle dégénéra tout à fait à l'hiver 90, quand lors d'une embrouille, un membre d'un gang sortit un flingue et braqua un client dans le club. Choqué, le management décida d'une fermeture temporaire en janvier 1991. Thank you. Afin de stopper l'invasion des drogues et de la violence dans l'enceinte du club, des tractations secrètes eurent lieu entre la Hacienda et le gang le plus redouté, celui de Salford. Confronté aux critiques, Tony Wilson déclara « Si on doit avoir des gens qui courent dans la Hacienda avec des flingues, faisons en sorte que la sécurité ait des flingues encore plus gros qu'eux. » Les détecteurs de métaux furent installés à la porte d'entrée afin d'empêcher toute infiltration d'armes à feu. Détecteurs que les types de la sécurité éteignaient discrètement dès qu'un membre de leur gang se présentait. Ça sentait la mort. La Hacienda rouvrit ses portes en mai 1991. Les trois DJ historiques du club, Dave Aslam, Mike Pickering et Graham Park, reprirent du service, mais la magie semblait s'être pour toujours évanouie. Tous les clubs connaissaient désormais des problèmes à leurs portes. Tous avaient installé des détecteurs de métaux et engagé des équipes de sécurité spéciales. La tension était devenue palpable, mais le public semblait l'ignorer. Il devenait incontrôlable, comme enflammé par les effets conjugués de la musique et des prises de plus en plus massives d'ecstasy. On sentait que dans les soirées, tout pouvait arriver, le pire comme le meilleur. C'était une époque encore plus profondément excitante, décadente, totalement inconsciente. L'Angleterre jouait à tirer le diable par la queue. J'avais gardé mes habitudes dans le nord anglais. Lorsque j'étais amené à jouer en Angleterre, je dormais chez le DJ Sacha. Yann était un des types qui traînait souvent dans la maison. Il avait 19 ans et faisait partie du gang de Salford. J'étais plutôt en bon terme avec lui. Lorsque ma rave mobile m'a momentanément lâché, il m'a dégoté une voiture, disons empruntée, pour que j'aille honorer une date au Quadron Park. Je n'avais aucune conscience de la pente sur laquelle il dérivait, lui et sa bande. Un jour, son gang se mit à racketter un des colocataires de la maison, un promoteur de soirée, faisant ainsi entrer en sécurité à une adresse jusque-là préservée des brutalités du dehors. Un soir qu'il était venu traîner à la Hacienda, Yann se fâcha avec un des videurs, sortit un couteau, lui ouvrit le ventre, puis retourna danser comme si de rien n'était. Une semaine plus tard, il s'acheta un Uzi. Ce qui s'est passé ce soir-là, on ne le saura jamais. Est-ce que le coup partit par inadvertance? Est-ce qu'il vida son chargeur sur sa fiancée, se gardant la dernière balle pour lui? On les retrouva morts. Ils avaient 20 ans. Et un bébé qui a tout vu. Mais le Nord n'était pas le seul touché par ces dérives. Depuis 1989 et l'explosion des raves, le sud de l'Angleterre, qui rassemblait plus de 10 000 personnes à chaque édition, générait énormément d'argent et de ce fait était la proie des gangsters. Des promoteurs peu scrupuleux s'associèrent avec des gangs. Lorsqu'ils ne dealaient pas eux-mêmes leur ecstasy pendant les raves, ils n'hésitaient pas à recourir aux arnaques les plus minables pour engraisser leur pactole. On vit ainsi apparaître des raves fantômes. Les flyers annonçaient les meilleurs DJ d'Angleterre, les billets étaient vendus en pré-vente. Et le samedi soir venu, les rêveurs erraient en race campagne à la recherche d'un rendez-vous qui n'existait pas. Ou alors les gangs plaçaient leurs hommes dans les équipes de sécurité des raves avec pour mission de soutirer une copieuse part des recettes aux organisateurs. Peu concernés par ces arnaques, la police vivait un autre cauchemar. La drogue et les raves avaient décentralisé le samedi soir. Le public désertait désormais les centres-villes. Chaque week-end, une migration se produisait vers les raves de campagne anglaise et les autorités y virent un danger. Pire, une subversion. Un communiqué de l'administration policière fut envoyé aux municipalités, provoquant un adoucissement des lois sur la consommation d'alcool en club, jusque-là sévèrement contrôlé, avec une intention affichée de reprendre le contrôle des loisirs de la jeunesse anglaise. Mais cela ne changea rien. Pressée par l'opinion, la police procéda à une première arrestation spectaculaire. Deux organisateurs responsables d'une fête illicite, sur un bateau à Greenwich, furent arrêtés et déclarés coupables de gérer un lieu dans lequel des drogues étaient en vente. La sanction fut sévère, 6 ans et 10 ans de prison. La presse britannique relaya largement l'affaire, lançant la chasse aux sorcières anti-rave. à la mort par overdose d'ecstasy de deux jeunes ravers en 1989, l'Angleterre de Thatcher s'affola et la police anglaise systématisa la répression anti-rave. 200 policiers furent affectés par le gouvernement à une cellule spéciale, le Pay Party Unit, chargée de l'observation des raves anglaises. Un véritable bras de fer s'engagea entre les organisateurs et les autorités anglaises. Tony Colstone-Hatter, la bête noire du Pay Party Unit, alla jusqu'à créer des cartes de membres pour ces raves, les transformant en rassemblements privés, pour contourner en toute légalité la notion de rassemblement illicite qui frappait communément toute réunion house et techno sur le sol anglais. Face à la progression du phénomène rave, le Pay Party Unit tenta plusieurs parades. Il choisit dans un premier temps de casser la scène en décourageant les clients, pour mieux les détourner des raves, pensait-il. Lorsqu'ils n'arrachaient pas les panneaux de signalisation routière, les policiers organisaient des raves fantômes, attendaient les raveurs au rendez-vous indiqué sur les flyers imprimés, aux frais du contribuable, pour l'occasion. Et braillaient « Rentrez chez vous, il n'y a pas de rave ici !» dans leur mégaphone lorsque les premiers convois arrivaient. Mais il en fallait plus pour freiner les organisateurs qui utilisaient désormais les nouvelles technologies pour informer leur public. Téléphone portable, infoline, etc. Qu'à cela ne tienne, le Pay Party Unit fit pression pour les interdire, n'hésitant pas à enfreindre parfois la loi. En 91, la guerre souterraine entre le gouvernement et la scène rave faisait rage et le Pay Party Unit se vit attribuer tous les moyens nécessaires à l'éradication des raves, rendant toute initiative risquée. Les organisateurs de rave étaient dans l'impasse. Désormais déclarés hors la loi, ils étaient à la fois rackettés par les gangsters et combattus par le gouvernement. C'est dans ce contexte qu'apparut Universe, l'organisation de Paul Cherry. Après plusieurs années d'esquive des interdictions policières, lassé d'une logique qui les poussait à la clandestinité, l'équipe, issue de la scène Free Party, avait décidé de se structurer. Pour assurer sa protection, Paul Cherry s'associa à Air Spurrell, capitaine de l'équipe de rugby de Bath, championne d'Angleterre en 1991, et connecté au plus haut niveau de l'administration policière britannique. Avec Spurrell à ses côtés, Paul Cherry pensait être hors de portée du racket et des pressions en tout genre. Mais à une semaine de la première édition de la Rave Universe, Paul Cherry se fit kidnapper en plein jour dans les rues de Bristol. Il fut séquestré durant plusieurs heures. Ses ravisseurs, des organisateurs de rave concurrentes, Perception, qui lui réclamaient une part des recettes de sa rave, Paul Cherry les embrouilla. « Je ne m'occupe que de l'artistique, je ne gère pas le fric. » Et envoya ses ravisseurs négocier un arrangement avec Air Spurrell. La veille de la rave, un rendez-vous fut fixé en pleine nuit sur le site de Universe. Spurrell arriva assisté d'un membre de l'équipe de rugby de Bath, accessoirement Assistant Chief Constable de la police de Lavon et du Somerset. Comprendre du gros, du très très gros poisson. Et là, Cherry a halluciné. Gangsters et policiers se connaissaient bien, s'appelaient même par leur prénom, se donnaient l'accolade. Surréaliste. Des accords tacites furent passés cette nuit-là, mais le lendemain, Perception organisa quand même une contre-rave, écoulant plus de 8000 billets à 50 km du site de Universe. Je jouais à la première édition de Universe. Après plusieurs heures de route depuis Manchester, j'arrivais sur le site de Bath, accompagné de Sacha. Comme Carl Cox, la carrière de Sacha avait décollé grâce au rave du sud de l'Angleterre. Depuis, sa réputation ne cessait de grandir. Sacha n'avait pas le permis de conduire et un goût très prononcé pour les grosses fiestas. Sa venue était toujours une inconnue pour les organisateurs. Lorsqu'il me booka pour Universe, Paul Cherry fut très clair. Dans le sud de l'Angleterre, j'étais un parfait inconnu. Et on me donnait ma chance, à condition que je conduise Sacha à bon port et en pleine forme. Mission accomplie. Malgré la contre-rêve Perception, la première édition de Universe fut un succès. 4500 personnes répondirent présentes. Sacha se produisait sur la grande scène et moi sous un petit chapiteau. J'étais heureux d'être là et conscient de l'enjeu qu'il y avait à cartonner dans un tel événement. J'ai fait mon truc à l'énergie, programmant house, techno, new beat, à des années-lumière du son breakbeat qui s'imposait, comme le son rave en Angleterre. La sauce prit et je fus rebooké pour l'édition suivante de Universe. À la fin du set de Sacha, les organisateurs nous branchèrent sur l'after organisé dans un lieu magnifique aux abords d'un champ de maïs. À partir de 7h du matin, Raver, Travelers, Crusties et autres Scullies débarquèrent indifféremment de Universe et de Perception pour danser au son du DIY et Sound System et découvrir la convivialité des rêves de Paul Cherry. Des fêtes où les danseurs ne payaient que leur billet d'entrée et jouissaient de tout gratuitement. Boissons, manèges, animations. Ce fut le premier coup d'éclat de Universe. Un an plus tard, Paul Cherry organisa Mind, Body, Soul, qui réunit 7000 personnes et se vit attribuer le titre envié de meilleur rave de l'année par le mensuel Mixmag. Forte de cette crédibilité médiatique, la presse est toute puissante en Angleterre, l'organisation décrocha le Saint Graal administratif, une licence de spectacle l'autorisant à produire une fête de 25 000 personnes. Universe devint Tribal Gathering autour d'un concept simple, la rave traitée comme un festival. En 92, une fracture s'amorça dans la scène rave anglaise. Les clubs se posaient en alternative aux raves qui sombraient dans le commercial et n'attiraient plus qu'une clientèle de badauds. Lassés par les pressions policières, les intimidations des gangs, les arnaques incessantes de certains promoteurs et le rétrécissement constant de la musique à jouer, quelques DJ opérèrent un retour au club pour s'offrir une nouvelle virginité musicale. La presse aidant, certains sortirent de l'anonymat, relatif, des raves pour s'essayer au vedettariat, parmi eux Carl Cox, de Three Decks Wizards, Sacha et Paul Oakenfold. Je tournais toujours régulièrement dans le Nord et je voyais le spectacle d'une Angleterre meurtrie qui peinait à trouver un second souffle loin du happy hardcore ou des escroqueries à la petite semaine. La drogue avait anéanti les vertus de la scène rave et les kids n'étaient désormais plus intéressés que par une compétition malsaine autour des prises massives d'ecstasy. La musique était devenue un prétexte. Les soirées se résumaient à une seule question. T'en as pris combien ? Je n'avais jamais rien eu à voir avec cette logique. J'ai voulu me préserver de cette dérive et me concentrer plus encore sur la musique. À quelques rares initiatives près, Universe par exemple, l'essence de la house avait été perdue en route au détriment du business à tout prix et de la violence qui l'accompagne. Je voyageais de plus en plus et cherchais une autre terre d'accueil où l'enthousiasme pourrait encore l'emporter sur le mercantilisme. Un nouveau sol fertile dans lequel house et techno plongeraient leurs racines. À Paris, depuis 1992, on entendait s'élever la rumeur d'un vent nouveau venu de Berlin et de Francfort. La transe allemande. Impatient de vivre ma première soirée en Allemagne, j'acceptais un premier engagement dans une rave de 4000 personnes située dans un entrepôt aveugle de la banlieue de Munich. Pour le public, j'étais un parfait inconnu. Et tous étaient présents pour assister à la performance du patron de la jeune génération techno-allemande, Sven Vath. Ici, Sven était la figure charismatique de la génération techno. Originaire de Francfort, Sven avait fait ses premières armes dans le pub de ses parents où son père l'avait engagé comme DJ à condition qu'il apprenne par cœur l'intégralité de la discothèque 60s et 70s familiale. Avant les premiers frémissements Acid House en Allemagne, Sven Vath était déjà une gloire nationale. DJ résident du Dorian Gray à Francfort, le premier club en Europe à avoir un sound system conçu par Richard Lang, responsable du son du Paradise Garage et du Sound Factory de New York, il avait eu la révélation techno en écoutant Computer World de Kraftwerk. Ébloui par le groove et la précision de ce son, Sven avait fait le grand écart entre DJing et studio. Associé aux futurs membres du groupe Snap, il avait créé OFF, Organization for Fun, sorte de croisement entre Depeche Mode et Kraftwerk. En 1985, OFF avait publié le single Electrica Salsa, succès mondial immédiat qui avait ouvert la voie à une scène pop électronique allemande. Falco, Spliff, déjà vu. En 1987, l'industrie musicale allemande était prête pour la nouveauté. Les premiers disques de house américaine atterrirent dans les bacs des disquaires allemands et une nouvelle scène de DJ Westbam à Berlin, DJ Tala à Francfort, émergea. Séparé de OFF, Sven délaissa les plateaux télé et repartit s'immerger dans le clubbing aux platines du Dorian Gray. En 1988, il racheta le club Omen avec des associés et imposa une programmation éclectique. Mais en 1989, la production électronique débarquait abondamment chez les disquaires allemands. Les nouveautés New Beat, Acid House et Techno se bousculaient chaque semaine. Et il était désormais possible de proposer des DJ sets de 8 heures en programmant ces nouveaux sons sans jamais se répéter. À l'Omen, Sven créa la première soirée allemande totalement dédiée à la house et à la techno. Let's Sweet, Keep Your Body Wet, pour laquelle le public se déplaçait chaque vendredi de toute l'Allemagne. À Berlin s'amplifiait la rumeur d'une autre soirée mythique, UFO, organisée par les DJ Westbam et Dr. Mott. En juillet 89, soit 4 mois avant la chute du mur, Dr. Mott et DJ Kid Paul eurent l'idée folle de louer un camion, d'y installer un sound system et de se balader sur le Kurfürstendamm, l'une des artères centrales de Berlin. Le mot circula dans le microcosme house berlinois et pendant 4 heures, 150 rêveurs se retrouvèrent à danser derrière un char en plein centre-ville. Le mot d'ordre était clairement hippie. Peace, love, unity and respect for one another. Ce jour-là naissait la Love Parade. 9 novembre 1989, le mur de Berlin tomba et la techno devint la bande-son de l'Allemagne réunifiée. Enthousiaste, moderne, dédiée au plaisir et à la danse, elle exprimait mieux que toute autre musique l'esprit de communion qui traversait l'Allemagne. Sous l'impulsion de Sven Vatt, le possi de Lomen partit rejoindre les acteurs techno berlinois et ensemble ils donnèrent une fête gratuite au message explicite « Freedom ». À Berlin-Est, les bâtiments monumentaux de l'ex-RDA furent immédiatement réquisitionnés pour accueillir des fêtes techno. Les warehouses démesurées fleurissaient au cœur d'anciens QG du Politburo est-allemand. Tout était désormais possible et sur ordre du gouvernement, la police berlinoise laissait faire. Un vent de liberté parcourait toute l'Allemagne et Berlin en était l'épicentre. En 1990, la demande de la jeunesse allemande autour de la techno s'amplifiait et les clubs mythiques Trésor et Iwerk ouvrirent leurs portes à Berlin, accueillant pour la première fois des DJ américains, Blake Baxter et Jeff Mills. Mais sans label et sans producteur, il manquait toujours à l'Allemagne une vision personnelle de la techno. Sven Vatt monta alors IQ, un des premiers grands labels techno allemands, puis Harthouse Records, sur lequel il signa les productions de jeunes ravers habitués de Lomen. Parallèlement, il renouait avec les charts via son nouveau groupe Barbarella. Tandis que Harthouse sortait ses premiers disques, la scène techno-berlinoise révélait aussi ses artistes au grand public. En quelques mois, Francfort et Berlin devinrent les deux pôles majeurs de l'expansion techno-allemande, chacune des villes affirmant son style et son identité musicale. Depuis Lomen, Sven Vatt lança le son de Francfort, mélange de techno, de new wave et de pop électronique, puis définit le son coloré qui caractériserait la trance allemande. À Berlin, une partie de la scène affirmait un goût pour des sons plus bruts, une autre pour une trance très joyeuse, frôlant parfois le kitsch. Ces styles cohabitaient en bonne intelligence et les deux villes n'étaient aucunement en rivalité. Jusqu'à ce que, attachés aux méthodes marketing de la presse anglo-saxonne, prompte à créer des rivalités entre villes ou artistes, Londres et Manchester, Rolling Stones et Beatles, le mensuel techno-allemand Front Page monte de toutes pièces une compétition entre Francfort et Berlin. 1992, May Day, la première grande messe rave allemande, accueillit 6000 personnes à Berlin. Les rêveurs découvrirent l'archétype de la rave techno à l'allemande. Laser, sound system démesuré, écran géant sur lesquels étaient projetées les premières images fractales, adaptation techno de l'imagerie psychédélique. Sven Vatt débarqua avec son équipe d'IQ Arthouse en arborant des t-shirts siglés « Frankfurt Posse »,« Don't mess with Frankfurt ». L'arrivée conjuguée des raves et des extasies en Allemagne eut un impact phénoménal sur la jeunesse. Les raves devinrent des manifestations de divertissement populaire sans aucune trace de subversion et sans la moindre objection des autorités, à qui les promoteurs payaient dûment les taxes légales. La voie était libre, une industrie s'organisa, la mode s'engouffra dans la brèche, créant des gammes de vêtements trans pour rêveurs invétérés, et les grands sponsors n'hésitèrent pas à injecter des sommes colossales pour affilier leur marque de limonade à la déferlante techno. Bouleversement culturel et économique, l'Allemagne le doit aussi à l'invention de la trance, une techno colorée, psychédélique, romantique qui fédéra toute la jeunesse allemande, abolissant les frontières et s'inscrivant comme dénominateur culturel d'une nation. Les artistes techno-allemands devinrent de véritables stars, alors qu'il y a peu, il était impensable pour eux de figurer en tête d'affiche d'un festival. Portés par cette dynamique, les deux labels de Sven Vaff furent propulsés références internationales, étendant leur influence en Suisse et en France. De cette période émergèrent des titres devenus des hymnes rave, Wonderland de Vernon, Hackperians de Hartfloor, assirent le savoir-faire allemand et le son de Francfort comme référence techno-mondiale. Le magazine anglais ID écrivait sur le son de Francfort, les labels techno Warp et Plus 8 organisèrent des soirées Halloween, Underground Resistance, le secret le mieux gardé de Détroit, s'y produisit en live, et à la sortie de son album Accident in Paradise, Sven Vaff fut consacré Kaiser Techno par la presse britannique. À partir de 1992, les DJ internationaux vinrent en masse jouer en Allemagne. Parallèlement, la scène techno underground s'est offerte avec de nouveaux noms comme DJ L et Maurizio. De nouveaux clubs tels le Warehouse à Cologne. À Mannheim, naquit l'organisation Rave Time Warp de Stephen Charles. En réaction au gigantisme de Mayday, il voulait restituer l'atmosphère d'un club en rave et présenter des DJ internationaux encore peu connus du public allemand. Josh Wing, Carl Cox, Juan Atkins, Richie Hautin, Speedy J. Qui vinrent se produire aux côtés de stars tels Sven Vaff, Cosmic Baby, DJ Dag ou Mark Spoon. Thank you. Je devins un habitué des nuits allemandes, me produisant indifféremment en club ou en rave, allant prêcher la bonne parole techno jusque dans les bleds les plus reculés. Puis Sven Vass me recommanda auprès des promoteurs de la Love Parade et débarqué à Berlin pour la première fois en juillet 93. Je découvris une ville excitante, ouverte, conviviale, empreinte d'une vraie qualité de vie et d'une énergie qui semblait tout rendre possible. Berlin était l'exception culturelle allemande. Durant la période de transition qui suivit l'effondrement du mur, la ville vécut des temps troubles où l'enthousiasme le disputait à une tension palpable. De violentes manifestations avaient marqué la population. On réalisait que les Berlinois s'étaient battus pour une ouverture au monde et que la ville s'était réunifiée dans une soif de nouveauté. Je passais la nuit précédant la Love Parade au Iwerk, un club de 3000 personnes dans lequel le public vivait l'énergie communicative de la techno. J'y rencontrais l'essentiel de la scène berlinoise et me laissais compter par des inconnus les excès qui m'attendaient le lendemain pour la 5e édition de la Love Parade. Ce fut un choc. 200 000 personnes dansaient en plein jour dans les rues de Berlin en suivant des dizaines de chars sonorisés. En quelques années, la Love Parade s'était affirmée comme un événement incontournable en Allemagne. C'était impressionnant et encore spontané. Les DJ venaient avec leurs disques, rencontraient les promoteurs et jouaient gratuitement sur les chars. Une fois la parade terminée, rebelote, cette fois dans des raves en plein Berlin-Est, dans des warehouses de 10 000 places. À l'issue de cette Love Parade, je fus invité à jouer au Iwerk, dans lequel j'avais passé la nuit précédente en simple spectateur. L'Iwerk était un rêve de DJ, le saint des saints berlinois. Au-delà de la démesure du lieu, le sound system avait été conçu dans un souci de confort d'écoute idéal. Niché au-dessus du dance floor, des dizaines de statues en plâtre représentaient les grandes figures de la techno berlinoise. Tout était pensé pour que les milliers de danseurs noyés dans l'obscurité de ce hangar jouissent des vertus conjuguées de la rêve culture et du club. Puissance, espace, fête, le tout dans une communion pacifiste. Une effervescence que je cherchais à créer à Paris et qui avait lieu ici, sans heurts, comme sans effort, et dans la plus parfaite harmonie. Je rentrais en France avec en mémoire cette dernière vision. 3000 personnes hilares, les bras tendus vers le ciel, prêtes à toutes les gourmandises pourvu qu'il y ait l'énergie et la danse. L'Allemagne et l'Angleterre, malgré ses déconvenues, étaient les deux pays techno-leaders en Europe. La France, elle, avait nettement moins d'arguments pour jouer un rôle sur la scène techno-mondiale. Peu d'événements en club ou en rave qui puissent faire la différence sur l'échelle européenne. Jusqu'ici, pas d'artiste qui ait fait sensation sur le marché international et un mépris général qui décourageait chaque initiative. Un chantier presque aussi intimidant que l'était le relifting du Berlin réunifié. Et deux fois par mois, le mercredi soir, sur Radio Campus, Bordeaux, 88.1.